Yo. Aïe, laisse-moi débarquer dans le thème pour que je puisse te raconter une histoire dans ma banlieue sale. Celle d'une meuf et d'un mec sans histoire qui voulait jouer dans la cour des grands et se faire à tout prix de l'argent sale. Et quand tu dis argent sale, frérot, c'est que leurs mains sont liées à faire des trucs sales. Tout commence par un contrôle de balle en bas des blocs. L'un d'eux commence avec des propos sales. Pour moi, c'est de la provoque. Mon poteau Toups me dit. Vas-y, calcule-toi. Du coup, faut pas que je me bloque là-dessus. Prêt à sortir le clock et prendre le dessus. Alors j'avance pour faire mes dièses jusqu'à Paname. Prépare le rhum, le sucre de canne. Le terrain est miné, pas besoin de faire dièse, 31 dièse. La justice tu l'esquives, mais un jour elle baise. La justice tu l'esquives, et un jour elle baise. Et un jour elle baise. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, que ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, que ça saute aux yeux, oui, sale. On fait du sale, sincère, j'suis pas DSK. Dans nos descentes aux enfers, on fait rarement d'escale. Faute de preuve, tu tombes, c'est pas hasard. Mal de crâne dans le joint. Y'a de quoi faire flipper la NASA, j'suis pas dans la pop, ça se voit. Sous Poliakov, demain j'aurai la gueule de bois. J'ai un passé ambigu, appelez-moi Corneille. En Inde, j'suis un virus, protège ta boîte mail. Les politiciens nous salissent, certains se prennent pour Staline. Stress en droit insalubre, y'a que la drogue qui nous anime. On est salement triste, le regard dans le vide, simple et réaliste. Quand on a rien dans le bide, la fin du monde, j'envoie des signes. Y'a des sales de B, soi-disant dans le jean, qui font des saloperies à côté. Les World Trade, ils nous tiennent responsables. 18ème, 93, on fait du sale, c'est du sale. Comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme notre son sale. Faut que ça s'entende, que ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme notre son sale. Faut que ça s'entende, que ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale et on parle mal du sale, car c'est brutal, tu sens, car c'est salaud. C'est salement censuré, ça s'imprègne dans ton crâne. Nos récits sont salaces du sale, car c'est ce qu'on veut. Des grosses scènes de calibre, de la bécane en roue libre. Des cris de joie, des cris de gaz, des coups de cri, des chaos. Des grosses frappes dans le pao, des soirées de saligo. Des concerts pleins de pédos, pas de carreau, pas de citron. Des litrons dans le frigo. Des gonfasses pour se refaire un moteur bien vénère. Et je leur mets dans leur mer. Faire qu'écro la mi-fa, que du vrai, du sincère. Qu'on s'en sorte dans notre son. Pour le bastion, la terre mère, je vais qu'ébra l'assassin. Que scintille en plein jour, en disant des saletés. Que la tition soit salée, mais bien sûr sans sucer. Que veux-tu, je veux le succès, en vivant dans l'excès. Et des filles bien sexy dans mon lit, que tu sales. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, que ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, que ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, que ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, ça saute aux yeux, oui, sale. On veut du sale, comme le sous-sol, comme nos sons sales. Faut que ça s'entende, que ça saute aux yeux, oui, sale.